vos œuvres. Mais il lui faudra bien peu de temps pour tout savoir, car il est jeune, et pour illuminer son esprit, il ne faut que quelques paroles de vérité recueillies par son cœur. Que sera donc ce peuple dans quelques années, quand lui-même, prenant le soin de se gouverner, aura créé le moyen de s'instruire? Tu vas régner, ô peuple! Règne fraternellement avec tes égaux de toutes les classes, car la République, cette arche sainte de l'Alliance, sous les ruines de laquelle désormais nous devons tous périr plutôt que de l'abandonner, la République, cette forme par excellence des sociétés durables, proclame et consacre devant l'univers qu'elle prend à témoin de son serment l'égalité des droits de tous les hommes. Tu vas régner, tu vas être initié aux lumières de ceux de tes frères qui, hier encore, on appelait tes maîtres. Tu vas, en échange de la science sociale qu'ils avaient en vain cherchée sans toi, mais dont ils possèdent les éléments tout préparés, leur donner la lumière de ton âme, qui est toute d'instinct et dont la pureté n'a été ternie par aucun sophisme. Ne t'y trompe pas, ô peuple! Les savants du siècle ne savent pas tout. Quelques-uns ont menti, plusieurs ont cherché avec sincérité. Beaucoup se sont trompés, en cherchant trop loin une vérité qui était proche. Aucun, à l'heure qu'il est, ne pourrait, sans crime ou sans folie, te dire qu'il possède la vérité absolue. Et comment le pourrait-il? Où l'aurait-il donc trouvée? Est-elle dans les livres? Oui, jusqu'à un certain point. Elle est dans les religions, dans les traditions, dans les grandes œuvres de l'esprit humain, dans les enseignements de l'histoire, dans les inspirations de la conscience individuelle, comme dans l'action éternellement progressive et collective de l'humanité. Mais elle y est d'une manière incomplète, tantôt trop abstraite, tantôt trop relative. Elle ne s'y trouve point formulée pour l'application immédiate. Elle n'est pas raisonnée et amenée à un point pour la grande circonstance où nous sommes, et qui nous a surpris tous, maîtres et disciples, simples et docteurs. Mais ne nous plaignons pas de cette surprise de la Providence. Bénissons, au contraire, la main divine qui nous précipite sur le chemin de la vérité. Que personne ne dise « c'est trop tôt ». Nous n'étions pas prêts. Nous ne savons que faire. Non, non. Quand le tocsin populaire ébranle la voûte des cieux, quand la nuée s'entrouve, quand le voile du temple se déchire du haut en bas, c'est que l'heure est venue et que l'Esprit de Dieu va se faire entendre. Nous eussions bien pu vivre encore 10 ans, 20 ans, 100 ans, dans cet état de fausse paix qui n'était qu'une guerre monstrueuse entre le cœur et l'intelligence, sans faire un pas de plus vers la vérité. Le calme de la mort ne féconde rien, et, tu le sais bien, ô peuple logique et sensé de la France, que tes prétendus maîtres s'égaraient de plus en plus dans leur misérable système d'économie politique et de gouvernement. Tes amis même travaillaient péniblement. La lumière d'en haut ne leur envoyait qu'un faible reflet. La solitude desséchait leur âme ou décourageait leurs recherches. Parmi les meilleurs, plusieurs devenaient fous, plusieurs périssaient de tristesse, et ceux qui vivaient encore d'une vie saine et complète auraient fini par subir le même épuisement. Il n'est pas permis d'en douter. Et d'où vient donc cette maladie des intelligences, ce progrès si lent et si obscur? Ces solutions énigmatiques, ces écarts d'imagination, ces parjures que quelques-uns peut-être ont commis sans malice, et parce que la foi les a abandonnés au milieu du chemin. D'où vient donc cette sorte d'impuissance ou d'hésitation que tu rencontres avec effroi quand tu te trouves face à face avec les meilleurs et les plus forts esprits de notre époque? D'où vient que d'un mot on ne peut résoudre le problème de ton existence quand tu croyais ce secret enfoui dans la pensée comprimée de tes amis? Cela vient, ô peuple, d'une vérité bien simple, mais bien absolue, dont tu seras bientôt pénétré toi-même. Et voici cette vérité. L'homme isolé n'est rien. La vérité ne se découvre au solitaire enfermé dans la cellule avec ses livres que d'une manière incomplète et voilée. Les assemblées choisies, les réunions d'hommes habiles n'en savent pas beaucoup plus long que les rêveurs solitaires, quand ces hommes habiles n'apportent au concours que leur lumière individuelle, sans s'être mis en rapport avec l'humanité vivante. Les mots nous enseignent beaucoup, mais en étudiant les livres, nous ne pouvons que tirer de la science du passé des inductions que l'avenir déjoue et que le présent ne peut pas toujours justifier. Il faut apprendre l'histoire, il faut étudier les livres, il faut connaître le passé, il faut songer à l'avenir. Cela est certain. Et tu apprendras tout cela bientôt, toi, peuple logicien qui apprend si vite. Mais avec cette science du passé et cette prévision de l'avenir, ton instruction serait bornée encore. Elle serait fausse, comme celle des savants, si tu n'apprenais que cela. Il faut apprendre la science du présent, entends-le bien. Le présent, c'est la vie, et la vie n'est pas dans l'isolement. Jusqu'à ce jour, les sociétés ont vécu sous le régime des castes. C'était l'isolement social. Chaque famille composant l'unité sociale était parquée dans des habitudes de privilèges. Privilèges de loisirs et de bien-être pour les unes, privilèges de douleur et de travail incessant pour les autres. Dans cet état de funeste séparation, les membres de la famille générale, privés du contact nécessaire qu'ils doivent avoir entre eux, se méconnaissaient mutuellement. Privé de droits politiques, tu étais dans un état de minorité et d'enfance éternelle. Les docteurs de la science sociale agissaient comme ferait un père de famille qui tracerait a priori le système d'éducation de tous ses enfants sans jamais consulter les aptitudes, les besoins, les aspirations de chacun d'entre eux. Une telle éducation ne produirait que des idiots ou des fous. Et celui qui la concevrait et la mettrait à exécution serait fou lui-même. Ne t'étonne donc pas que tant de puissantes intelligences soient devenues malades sous ce régime coupable qui privait les habiles du concours des simples. Les simples sont aussi nécessaires aux habiles que la voix libre et pure de l'enfant l'est aux oreilles paternelles. Une portion de l'humanité ne peut pas se séparer par le cœur et par la pensée du contact et du consentement des autres, sans tomber dans le faux et dans l'injuste. Le présent, ô peuple, tu l'as trouvé. C'est la place publique, c'est la liberté, c'est la forme républicaine qu'il faut conserver à tout prix. C'est le droit de penser, de parler, d'écrire. C'est le droit de voter et d'élire les représentants, source de tous les autres droits. C'est le droit qu'aucune forme monarchique ne peut consacrer. C'est le droit de vivre. C'est l'unique moyen de te rapprocher promptement de tes frères des autres classes et de faire le miracle de l'union fraternelle qui détruira toutes les fausses distinctions et rayera le mot même de classe du livre de l'humanité nouvelle. Ô peuple de France, tu as été si grand et si magnanime dans ton dernier combat que tu as forcé tous ceux qui ne t'aimaient pas à t'estimer et à te respecter. Il y a un prodige qui frappe quand on regarde à tous les étages de la société, c'est que la plupart de ceux qui croyaient te haïr hier se trompaient et l'avouent de bonne foi. Ils redoutaient en toi un être imaginaire, le fantôme d'un peuple terrible, exaspéré, qui n'a jamais existé comme il se le représente, et dont les fureurs ont été des heures exceptionnelles dans ta longue et patiente existence. Ce fantôme est évanoui. Tu ne connais même plus la fureur dans tes moments de fièvre. Tu ne connais que la vaillance, et ta fièvre produit l'héroïsme au lieu de l'emportement. Ouvre les yeux. et profite de ta victoire. Tu vas être aimé, parce que tu es digne de l'être, et les cœurs les plus insensibles vont s'ouvrir à l'amour fraternel, chaque jour davantage, à mesure qu'ils te connaîtront mieux et que leurs rapports avec toi vont se multiplier dans la vie républicaine. Continue de leur donner cet enseignement chrétien de la charité, cher et grand peuple, qui est devenu le bras de la Providence et la voix de Dieu même. Vois, nous étions bien malheureux, presque aussi malheureux que toi, nous autres qui ne manquions jamais de pain, mais qui vivions loin de toi, sous la loi de l'égoïsme, et qui appelions en vain l'appui et l'amour de nos frères dans la vie publique. Quel ennui mortel, pour les cœurs honnêtes, que ce loisir amer qu'il nous était impossible de partager avec toi, et qu'il était aride et fastidieux, ce droit que nous exercions de gouverner sans toi et malgré toi. Ceux d'entre nous qui ne s'en rendaient pas compte l'éprouvaient pourtant, ce dégoût d'une vie scindée et faussée dans son principe. Nous vivions comme une flotte naufragée que la tempête a dispersée sur des récifs et dont les passagers meurent, séparés par des abîmes, en se tendant les bras, sans pouvoir se porter secours les uns aux autres. Oui, le sort de l'humanité, divisé de droits et d'intérêts, est aussi horrible que cela. C'est la prison cellulaire où l'on devient stupide ou insensé. Une vie nouvelle commence. Nous allons nous connaître, nous allons nous aimer, nous allons chercher ensemble et trouver la vérité sociale. Elle est au concours. Nous l'eussions cherchée en vain les uns sans les autres. Nous la trouverons, non pas sans doute demain, non pas peut-être dans nos premières assemblées nationales, mais avec le temps, les essais, l'expérience, et surtout avec l'esprit d'union et de sincérité, sans lequel la République est impossible. Ce progrès, qui eût fait un pas d'homme chaque siècle avec le régime d'hier, fera un pas de géant chaque année avec le régime d'aujourd'hui. Aide-nous, ô peuple fraternel, à conquérir l'égalité dont nous avons tous besoin, car le tyran, tu le sais, est aussi malheureux que l'esclave et l'expérience du règne qui vient de s'évanouir avait fait de la plupart d'entre nous des tyrans malgré eux. Le bien-être qu'on n'espère pas faire partager aux autres et dont on jouit sans pouvoir l'étendre à tous ses semblables, est un remords qui opprime l'âme et trouble le sommeil. Plains-nous de l'avoir subi si longtemps, cette souffrance indicible, et fais-la cesser, toi qui es la grande âme de la patrie et de l'humanité. Résumons-nous en nous serrant la main avant de nous parler encore. La vérité sociale n'est pas formulée. Tu voudrais en vain l'arracher de la poitrine des mandataires que tu as élus dans un jour de victoire. Ils la veulent à coup sûr, puisque tu as cru en eux et tu ne te trompes jamais dans tes grandes heures de libre inspiration. Mais ils sont hommes, et leur science ne peut déroger à la loi de l'humanité. La loi de l'humanité est que la vérité ne se trouve pas dans l'isolement et qu'il y faut le concours de tous. L'isolement était le régime de séparation des intérêts et des droits. Ce régime tombe à jamais devant le mot sacré de république. Tu vas exercer ton droit, apporter la lumière de ton âme et le vote de ta conscience. Patience et la justice vivra. À toi, peuple, aujourd'hui comme hier.